بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 7 dans l'explication du livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله تعالى qui s'intitule تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. Donc on est arrivé maintenant dans le livre où le cheikh il explique les maqasid, c'est-à-dire les objectifs de l'application du hajr, hein, le hukum, pourquoi on l'applique et les objectifs de son application. On a expliqué le premier qui était yani al-ubudiyyah, le fait d'établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est une adoration, le hajr, comme la salat, comme la zakat, comme le hajj, comme le jihad, comme l'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Le hajr, ça fait partie des adorations. Donc ça, c'est le premier point, le premier maqsad, premier objectif légal selon la sharia. Le deuxième, c'était d'établir al-wala wal-bara. Et on a commencé à expliquer ce point-là. Et on continue donc à l'expliquer, Inch'Allah. On est toujours dans cette dimension-là. Et donc, le cheikh, il explique ici, il dit وَقَرَّرَ هَذَا الْأَمْرَ أَعْنِي. Parce qu'on a lu au dernier cours, en dernier, la citation de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Jami'ulum al-Hikam. Et c'était vraiment une explication qui était très très bénéfique. Jami'ul ulumi wal hikam. Maintenant on continue. Le cheikh il dit wa qarrara hadha al amr ani tahqiq ma'lam al wala' wal bara'. Al cheikh al allama Sulaiman ibn Sahman rahimahullah fi risalatihi al azima رجم أهل التحقيق والإيمان على مكفر صدق حسن خان. سبحان الله. دونك الإمام الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله il fait partie des imams de la da'wa salafia, parmi les élèves des descendants de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et Sulaiman ben Sahman, c'est un des savants, parmi les savants de la da'wah salafia, qui a beaucoup réfuté les gens de bid'a et les innovations. Donc il est connu pour ses réfutations. Il est célèbre pour ça. Et donc il a écrit cette risala dans laquelle il réfute les gens qui font le tahqiq. Il réfute les gens qui font le takfir de Siddiq, qui faisaient le takfir de Siddiq Hassan Khan. Et Siddiq Hassan Khan, c'était un des ulama de la région de l'Inde, hein, de ces régions-là. Et Siddiq Hassan Khan, il était salafi sur la sunna. Et en même temps, À son époque, il avait été même le dirigeant de cette région où il était. Puisque son épouse, il s'était marié avec la femme qui était mariée avec le dirigeant précédent, celui qui était au pouvoir avant lui. Donc, elle était mariée avec lui. Et donc, lorsque son mari est mort, elle s'est remariée avec Siddiq Hassan Khan, qui était un savant, un sheikh, un alim, hein, sur la sunna. Et donc, quand il s'est marié avec lui, eh bien, c'est lui, par la suite, qui a dirigé cette région-là. Et, alhamdoulilah, il a établi beaucoup de bons aspects de l'islam dans cette région. Et il jugeait, donc, selon le Coran et la sunna. Et, alhamdoulilah, yani, il a fait imprimer et publier beaucoup de livres de la sunna dans cette région du monde. Et certains parmi les gens de Bid'a le déclaraient kafir, comme certains ont déclaré Muhammad ibn Abdul Wahhab, Kafir également parmi les gens de l'exagération et les gens de bid'a. Donc, Cheikh Sulayman bin Sahman, il a écrit une risala pour les réfuter. Et il a appelé la lapidation des gens de la vérification et de la foi contre ceux qui font le takfir de Siddiq Hassan Khan. Et donc, il dit وقرره أيضا بتوسع العلامة محمد بن عبد اللطيف الشيخ كما في الدرر السنية. Il dit de même que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Latif al-Sheikh l'a clarifié également, il a expliqué également, il a élaboré sur ce sujet dans son livre dans le livre Ad-Durar As-Saniya. Ad-Durar As-Saniya, c'est un livre dans lequel on a rassemblé toutes les fatawas et les écrits des imams de la da'wa al-Najdiya. Depuis le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à ceux qui sont venus par la suite. Et parfois, vous voyez que certains parmi les takfiriyins, ils essaient de se référer à ce livre-là en pensant que dans ce livre-là, il y a une référence pour eux. Mais c'est uniquement à cause de leur ignorance, puisque bien entendu, ces livres-là réfutent les khawarij et leurs fondements. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais quand quelqu'un, il prend juste une partie d'un livre et puis il laisse le reste, et bien c'est ça ce qui arrive. Donc souvent, par exemple, vous allez voir des koufars qui font des études ou des recherches sur ces sujets-là. Et puis quand ils parlent des gens qui font le takfir ou des khawarij, ils disent ils se réfèrent à Ibn Taymiyyah ou ils se réfèrent à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc ils imaginent que parce qu'ils se réfèrent à ces savants-là, ça veut dire que ces savants-là sont sur la même voie qu'eux. Or, tous les musulmans se réfèrent au Coran, malgré le fait que beaucoup d'entre eux sont dans des sectes d'égarement et que le Coran ne justifie pas qu'est-ce que ces gens-là ont comme croyance ou comme pratique qui est contraire au Coran et à la Sunna. Donc, le fait de se référer à un livre, ça ne veut pas dire que quelqu'un est nécessairement sur la même position ou la même méthodologie. Et ça, c'est important de le comprendre. Ceci dit, le cheikh, il dit, donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Muhammad ibn Abdul Latif al-Sheikh dans Ad-Durar al-Saniya? Il dit, وَلَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَ فِي السَّلَامِ عَلَى الرَّافِضَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَمَنْ ضَهَاهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَفِي مُوَاكَلَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا جَائِزٌ لقول عالمي لقول عالمي وقال الآخر لا يجوز لآيات الموالاة فأجاب رحمه الله واختصر وأختصر لكم كلامه قال اعلم وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى أنه لا يستقيم للعبد إسلام ولا دين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله وموالاة أولياء الله ورسوله إلى أن قال بعد أن ذكر آيات في المقام فالواجب على من أحب نجاة نفسه وسلامة دينه أن يعادي من أمره الله ورسوله بعداوته ولو كان أقرب قريب فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك والقيام به لأنه من أهم المهمات وآكد الواجبات ثم قال إذا عرفت هذا فالسلام تحية الإسلام بينهم فإذا سلم على الرافضة وعلى أهل البدع والمجاهرين بالمعاصي تلقاهم بالإكرام والبشاشة وألان لهم الكلام كان ذلك منه مودة أو موالاة منه لهم فإذا ودهم وانبسط لهم مع ما تقدم جمع الشر كله ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاء لأن إفشاء السلام سبب لجلب المحبة. Donc il dit, donc on va finir jusqu'à la fin de la citation. Il dit ثم ذكر أقوالا ثم قال وأما أنت أيها المنازع فالواجب عليك تقوى الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والاقتداء بسلف الصالح والاهتداء بهديهم وعدم الانبساط مع من هب ودب لأن الواجب على المنتسب للطلب المتزي بزي العلم أعظم مما يجب على غيره فليكن لك بصيرة ونهمة بمعرفة أصل الأصول وزبدة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث عما يضاد هذا الأصل وينقده أو ينقد كماله الواجب. Donc ici, le cheikh, on va traduire sa citation. Il dit dans Ad-Durar al-Saniya, le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif, al-Sheikh, lorsque deux hommes, ont posé la question parce qu'ils étaient en désaccord, ils étaient en désaccord l'un avec l'autre, alors ils ont posé la question au cheikh, est-ce qu'on peut donner le salam au Rafida et aux Mubtadi'in, aux gens de Bid'a, et ceux qui leur ressemblent parmi les Mushrikin. Et est-ce qu'on peut s'asseoir avec eux pour manger, ou pour discuter, les fréquenter? Alors, l'un d'entre eux a dit, oui, c'est permis, à cause de la parole de mon savant. Et l'autre a dit, non, ce n'est pas permis, à cause des versets au sujet de Al-Mu'alat, qui nous interdit de prendre pour alliés et d'aimer les gens d'égarement, les gens de la mécréance et les gens de l'innovation et ainsi de suite. Alors, le cheikh Mohammed, il a répondu en fait à cette question-là. Il dit, je vais vous résumer sa parole. Il a dit, sache que Allah me donne le succès à moi-même ainsi qu'à toi, pour aimer tous ceux qu'il aime et ceux qu'il agrée. Qu'il me donne à moi le succès ainsi qu'à toi de tous ceux qu'il aime et ceux qu'il agrée. Sache que l'islam d'une personne et la religion d'une personne, elle ne sera jamais droite tant qu'il n'a pas détesté les ennemis d'Allah et de son messager, et qu'il n'a pas aimé les alliés d'Allah et de son messager. Jusqu'à ce qu'il dise par la suite, après avoir mentionné les versets à ce sujet, il a dit, il est obligatoire donc à celui qui aime le salut pour lui-même, et qui aime être épargné dans sa religion, et sauvé dans sa religion de tout mal, il est obligatoire pour lui d'avoir de l'opposition ou de s'opposer, ou bien d'avoir de l'animosité et de prendre pour ennemi celui que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager nous a ordonné de le prendre comme ennemi, même si cette personne était la personne la plus proche de nous dans nos familles. Il dit parce que la foi ne peut pas être droite sans cela, et sans avoir établi ce principe. Et parce que c'est une des choses les plus importantes parmi les aspects importants de la religion, et une des choses les plus confirmées parmi les choses qui sont les plus confirmées et établies parmi les obligations de la religion. Il dit ensuite, une fois que tu as su cela, alors tu sais que le salam, c'est le salut de l'islam, entre les gens de l'islam. Et si tu donnes le salam aux rafida, ou aux gens de bid'ah, ou aux gens qui font ouvertement des péchés, et que tu les rencontres et que tu les honores, et que tu les rencontres avec yani, avec un sourire, hein, et en étant joyeux avec eux, et en leur parlant de façon amicale et douce, eh bien c'est certain que cela, ça, c'est une forme d'amour pour eux et d'amitié pour eux. Et si cette personne, elle les aime et elle se sent à l'aise avec eux, eh bien, ça, yani, avec tout ce qu'on a mentionné précédemment à ce sujet-là, eh bien, ça veut dire qu'il a réuni tout le mal. Et il va perdre tout ce qu'il a dans son cœur comme animosité et haine contre eux. Parce que le fait de donner le salam, c'est une des causes pour ramener l'amour dans le cœur. Puis, il a mentionné des citations et des paroles, puis par la suite, il dit, en ce qui te concerne, toi qui hein, es en désaccord, sache que l'obligation pour toi, c'est de te préserver d'Allah et d'aimer les alliés d'Allah, serviteurs rapprochés, de les aimer et de détester ses ennemis. Et de prendre comme exemple et comme modèle les pieux prédécesseurs dans ce domaine, et de prendre leur guidance, et de ne pas se sentir à l'aise avec n'importe qui, parce que l'obligation pour celui qui yani, s'attache à la quête du savoir et qui recherche la science, eh bien c'est de, ou bien celui qui porte les vêtements du savoir et de la science et qui s'habille comme les savants, il a à ce sujet-là une plus grande obligation que les autres. Et donc il doit, hein, et il faut qu'il ait une clairvoyance et une compréhension dans le sens que, hein, il doit tenir compte de tout ce qu'il fait, hein, parce qu'il est un exemple en même temps aussi pour les autres. Et il dit, donc tu dois avoir une compréhension de ce sujet-là et comprendre également le fondement des fondements de l'islam, hein, et la base, hein, ou la crème de la da'wah des messagers, hein, c'est-à-dire le tawhid d'Allah, et comprendre le tawhid du message que le messager a enseigné, et de chercher également tout ce qui oppose ce fondement-là, ou qui le diminue, ou qui le contredit, hein, qui le contredit, qui le détruit, ou qui s'oppose complètement à ce fondement, ou qui le diminue de sa perfection obligatoire. Donc ça, c'est un rappel de la part du Cheikh. Il dit, « Tanbihun, wa huna unabbih ala amrin yata'allaku bilbab, arra'fatu wallinu, أصل في الشريعة إذا استخدم في محله ولكن قد يقول بعضهم ويدعي الرأفة واللين يعني زعم ورتب على ورتب هذا الزعم ورتب هذا الزعم أن عطل هذا الأصل وهذا المقصد العظيم أعني الولاء والبراء وقد يكون صادقا في دعواه دعواه الحب في الله ولكن عند التحقيق لا تجد عنده براءة لا تجد عنده براءة بمعنى أن عنده ولاء وليس عنده براء وليعلم من كان كذلك أن من فعل ذلك فلم يحقق هذا الأصل فهما متلازمان يعني الولاء والبراء فليس الدين ولاء محضا ولا براء محضا فهو ولاء مع براء وأخرج الإمام أبو نعيم في الحلية أن يوسف بن أسباط قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه عليه فإنك لم تحبه في الله لم تحبه لم تحبه في الله. Non, donc on va traduire ici, le cheikh il explique un point qui est extrêmement important et qu'on néglige parfois justement. Et il dit, il y a une chose qui est reliée à ce sujet-là et c'est que la douceur est, hein, la douceur est, comment on dit, la compassion et la douceur envers les gens et ainsi de suite. Ça c'est un des fondements dans la charia, lorsqu'il est utilisé dans son contexte. Et lorsqu'il est mis à sa place, ça fait partie des principes de l'islam. Mais certaines personnes qui prétendent justement utiliser la compassion et la douceur et ainsi de suite, ils pensent, il a cette idée où il pense qu'il est en train de malgré cela, il pense qu'il est en train de respecter ce fondement et cet objectif de Al-Wala Wal-Bara. Et c'est possible qu'il soit véridique dans ce qu'il prétend, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Mais lorsqu'on qu'on analyse la situation et qu'on vérifie la situation réellement, on constate que cette personne, elle n'a pas de bara, elle n'a pas de désaveu, elle n'a pas de haine en Allah. Dans le sens que elle a seulement de l'amour, mais elle n'a pas la haine qui vient avec. Et il faut, le cheikh il dit, il faut savoir que celui qui est ainsi en réalité, il n'a pas réalisé et il n'a pas concrétisé al-wala wal-bara, parce que ces deux principes-là, al-wala et al-bara, les deux sont interreliés. Et que tu peux pas avoir al-wala sans al-bara. Et tu ne peux pas avoir al-bara sans al-wala. Les deux sont ensemble. Les deux doivent être reliés. Dans le sens que, c'est comme une fois j'avais mentionné ce sujet-là dans une khutbah que j'avais fait. J'ai dit, il n'y a pas d'amour sans haine. Il n'y a pas de haine sans amour. Parce que si tu dis que tu aimes Allah, ça implique que tu dois détester Allah aussi. Et si tu dis, j'aime tout le monde, eh bien, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas d'amour réel. Puisque si tu aimes autant ceux, par exemple, qui sont pieux et qui aiment Allah, tu les aimes et tu aimes les ennemis d'Allah, le shaitan et ses alliés, de la manière égale, tu les aimes autant que ceux que tu aimes. Tu aimes autant ceux-là, les alliés du shaitan, les ennemis d'Allah, tu les aimes autant que ceux qui aiment Allah et ceux qui sont des serviteurs d'Allah et qui sont pieux. Alors ça veut dire en réalité que tu n'as pas vraiment d'amour pour les serviteurs d'Allah, puisque ton amour est égal pour eux que l'amour que tu as pour les ennemis d'Allah. Donc tu ne peux pas aimer Allah et aimer le shaitan en même temps, et tu ne peux pas aimer les alliés d'Allah et les alliés du shaitan en même temps. C'est pas possible. Sinon, il y a une contradiction, il y a une défaillance quelque part. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Donc, il dit, la religion, c'est pas seulement al-wala, d'aimer Allah seulement, sans avoir de bara. Et c'est pas non plus d'avoir al-bara seulement, de détester, sans avoir de wala. Il faut avoir les deux, il faut que les deux soient présents. Et Abu Nu'aym, l'imam Abu Nu'aym, il a rapporté dans Al-Hilya que Yusuf ibn Asbat a dit, j'ai entendu Sufyan al-Thawri, le grand imam, qui disait, si tu aimes une personne en Allah, puis que cette personne, elle fait une bid'a dans la religion, ou elle fait un péché dans la religion, puis tu ne le détestes pas pour ça, alors ça veut dire que tu ne l'avais pas aimé réellement pour Allah. C'est-à-dire que si ton amour pour cette personne, elle ne diminue pas après qu'elle ait fait une innovation ou après qu'elle ait commis un péché ou une transgression, ça veut dire que dans ce cas-là, ton amour pour elle n'était pas sincère, elle n'était pas en Allah. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu les vois, par exemple, même quand, par exemple, une personne qu'ils ont aimée parce qu'elle était sur la sunna et qu'elle défendait la vérité et elle réfutait le faux, il les met. Et quand la personne a commencé à dévier et qu'elle elle s'est mise à déformer la réalité ou à faire des problèmes ou à défendre le faux ou à s'enfler d'orgueil face à la vérité et refuser d'accepter son erreur ou de revenir sur son erreur, et que toi, malgré ça, tu continues à la défendre et à l'aimer même après ça, ça veut dire que ton amour pour cette personne n'est pas pour Allah. Hein? C'est un amour pour autre que Allah. Hein? Et ça, c'est dangereux même. C'est dangereux pour ta religion. Parce que toute personne que tu n'aimes pas, hein, pour Allah ou en Allah, alors ça veut dire que tu l'aimes avec Allah. Et l'amour que tu as avec Allah pour une personne, c'est du shirk. Hein? On n'a pas le droit d'aimer quelqu'un avec Allah. On doit uniquement aimer en Allah et pour Allah. Et le cheikh, il dit ensuite, وقرر هذا الأمر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع حيث قال قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسول الله فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها كما في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان وكثير من يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة ليس فيه غيرة ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique ici, et ça c'est, tu trouves souvent aussi cette mentalité là chez les soufis, hein, et chez les tablighs aussi, Jamaat Tablighs. Ils disent, hein, ils montrent toujours le côté de l'amour, hein, et qu'il faut aimer aimer pour Allah et des choses comme ça. Mais l'Al-Bara, ils le montrent pas envers les innovateurs, parce qu'eux-mêmes, ils font des bid'ah, ils défendent la bid'ah. Ils ne le montrent pas envers les mushrikines et les kuffars, ceux qui font le shirk et qui appellent au shirk, hein, et qui adorent les tombes ou des choses de ce genre. Non, ils le font pas. Allah al-Musta'an. Et ici, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne ça dans le Majmu' al-Fatawa. Et le cheikh, il cite cette parole, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est le verset 31 dans Surat Al-Imran. Donc, dans le suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa sharia, intérieurement et extérieurement, ça, c'est quelque chose, si tu le fais, c'est ce qui va amener l'amour d'Allah pour toi. Ce qui va faire en sorte que Allah va t'aimer. De la même manière que le fait de lutter dans le sentier d'Allah et de prendre pour d'aimer les alliés d'Allah et de détester ses ennemis, c'est la réalité, hein, de yani, la foi. C'est la réalité de cet amour en Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'anse la plus solide de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui a aimé pour Allah et détesté pour Allah, qui a donné pour Allah et qui a retenu pour Allah, alors il a complété la foi. Il a complété la foi. Et le cheikh il dit ensuite que cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit il y a beaucoup de gens qui prétendent l'amour alors qu'ils sont plus loin que les autres, hein, ils sont plus éloignés que les autres vis-à-vis du suivi de la sunna et vis-à-vis de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal et vis-à-vis de la lutte et du djihad dans le sentier d'Allah. Et malgré ça, ils prétendent que yani, ils sont plus parfaits et plus complets dans le chemin de l'amour que les autres. Hein? Et ils prétendent que le chemin de l'amour d'Allah et du messager, yani, il n'y a pas de, il ne doit pas y avoir de colère dedans pour Allah, ni de jalousie pour Allah. Et il dit ça, c'est le contraire de ce qui est établi et prouvé par le Coran et par la Sunna. Hein? Si quelqu'un, par exemple, quand on contredit la charia, quand on oppose l'islam, quand on dit des choses qui sont contraires à la vérité, ou quand on nie des choses qui sont établies par les preuves du Coran et de la Sunna, la personne, ça te met pas en colère, ça te fâche pas, ça te fait rien. Alors là, il y a un problème dans ta foi. Si tu penses que ça, c'est comme ça la réalité de l'amour, l'amour d'Allah et du messager, ça, il y a un problème, hein, ici. Le cheikh, il dit ensuite, وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّفَارِينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غِذَاءِ الْأَلْبَابِ وقد هجر الإمام أحمد رحمه الله جماعة ممن أجابوا في المحنة مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما مع فخامة شأنهم وكم إمام هجر لله خدنا كان أعز عليه لولا انتهاكه لمحارم مولاه من روحه يعني أعز عليه من روحه لولا انتهاكه لمحارم مولاه فصار بذلك كالجماد بل أدنى. قال القاضي أبو حسين في التمام لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة إلى أن قال فينبغي لك إن كنت متبعا سنن من سلف أن كل من جاهر بمعاصي الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه بل اهجره. اي نعم. Donc ici le cheikh il dit, Abdullah al-Bukhari hafizahullah, il cite la parole de As-Safarini dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Ridha ul-Albab rahimahullah. Il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il a fait le hajr d'un groupe parmi les ulama qui avaient accepté de répondre dans la fitna de Khalq al-Qur'an. Ils avaient accepté de répondre à la demande des Mu'tazila, yani parce que c'était la contrainte, ils avaient été sous la contrainte. Et donc ils ont répondu à la fitna. Et à ce sujet-là, yani l'imam Ahmad, quand il a su ça de leur part, même c'était parmi eux des grands imams, des grands ulama, comme Yahya ibn Ma'in, l'imam Yahya ibn Ma'in, parmi l'imam des salafs, Ali ibn al-Madini également, hein, et d'autres, parmi les grands savants. Et donc combien d'imams, hein, l'imam Ahmad, ou combien d'imams ont été boycottés pour Allah, alors qu'ils sont plus chers hein, pour eux que eux-mêmes et qu'ils ont été boycottés. Pourquoi ? On leur a fait le hajr pour Allah parce qu'ils ont fait quelque chose qui, hein, qui fait partie des interdictions d'Allah. Et par conséquent, ils sont devenus pour eux comme des objets inertes, c'est-à-dire des objets yani, qui n'ont plus de vie, hein, comme des pierres ou des roches, ou même moins que ça encore, c'est-à-dire ils ne les considèrent plus après ça. Et Al-Qadi Abu Hussein, il dit dans son livre At-Tamam, il n'y a pas de contradiction dans les narrations, il n'y a pas de divergence dans les narrations sur le fait que c'est une obligation de faire le hajr et de boycotter les gens de bid'ah et les pervers de la, parmi les gens de la religion, parmi les musulmans. Jusqu'à ce qu'ils disent plus loin, donc il faut, si tu suis les sunan, hein, les, la sunna qui ramenait des salafs, hein, dans ce cas-là, tu dois... C'est ça. Si tu suis les salafs, eh bien, tu dois yani, boycotter. Là, tu, il dit, tu ne dois pas, yani, pour celui qui montre sa désobéissance d'Allah de façon hein, apparente, mais tu ne dois pas le supporter, tu ne dois pas l'aider, tu ne dois pas lui donner le salam, tu dois plutôt le boycotter. Hein. Donc il dit, si tu suis la voie des salafs, c'est ça ce que tu dois faire. Et le cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit ensuite, « فَلْيَحْذَرِ الْمَرْءُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ وَلْيَعْلَمْ أَنَّ دِينَ اللَّهِ كُلَّهُ رَحْمَةٌ وَشَفَقَةٌ وَلِينٌ وَرَأْفَةٌ وَإِنصَافٌ وَعَدْلٌ ومنه باب العقوبة الشرعية التي منها الهجر التعزيري وهو من باب العقوبات الشرعية وقال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها للمريض يعني في نفسه فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك سبب فيكون ذلك سبب فسادهم وعدوانهم وهلاكهم ونحوه أيضا قرر في منهاج السنة. Donc ici le cheikh il dit que il faut donc que une personne fasse très attention dans ces cas-là de pas laisser le shaitan jouer avec lui. Et il doit savoir que la religion d'Allah elle est de la miséricorde tout entière. Et de l'affection tout entière, de la douceur, de la compassion, de la justice. Et malgré ça, parmi les aspects de la religion, il y a des châtiments qui ont été, et des punitions qui ont été légiférées. Hein? Et parmi ces punitions, il y a le hajr punitif qui a été légiféré parmi les différentes punitions légales légiférées de l'islam. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit à ce sujet-là dans Majmou' al-Fatawa, Et c'est ainsi que tu peux comprendre que les punitions légales, elles sont toutes comme des remèdes bénéfiques par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala guérit les maladies du cœur. Et c'est une miséricorde d'Allah pour ses serviteurs et une compassion pour eux, hein, qui rentre dans la parole dans la parole d'Allah dans le verset 107 dans Surat Al-Anbiya, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Il dit donc, si quelqu'un délaisse cette miséricorde bénéfique à cause d'une compassion qu'il trouve en lui-même pour le malade, hein, alors en réalité c'est lui qui a aidé cette personne qui est malade à périr et à être châtiée en réalité. Malgré qu'elle ne pensait vouloir que le bien pour elle. Mais ça, c'est la réalité d'une personne ignorante, d'une personne idiote, stupide. Hein? Comme le font parfois certaines femmes et certains hommes ignorants avec leurs malades. Hein? Ou avec ceux qu'ils éduquent parmi leurs enfants, parmi leurs garçons. Et ils délaissent la punition pour eux lorsqu'ils méritent une punition, hein, lorsqu'ils font quelque chose de mal, hein, ils ne les punissent pas et ils les laissent par compassion pour eux, hein, lorsqu'ils font quelque chose de mal ou lorsqu'ils délaissent quelque chose qui est obligatoire parmi le bien, ils ne les punissent pas par compassion pour eux, en pensant que c'est mieux de ne pas les punir, hein? Plus sage de ne pas les punir, surtout ceux qui, parmi eux, sont influencés actuellement par des philosophies occidentales, ou des théories, hein, modernes qui disent non, il ne faut pas punir les enfants, il faut les laisser faire. Yani, le résultat de ça, yani, c'est catastrophique, comme le cheikh il dit, ça c'est la cause de leur corruption, de leur transgression et de leur perdition par la suite. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a clarifié un peu la même chose dans un autre de ses livres qui est Minhaj al-Sunnah. Naam. Donc, al-maqsad al-thalith, al-qiyam bi-wajib al-amr bil-ma'ruf wal-nahi an al-munkar. Donc, parmi les objectifs de faire le Hajar, il y a le troisième objectif que le Cheikh a mentionné, c'est d'établir l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le Cheikh il dit وذلك لما في الابتداع والعصيان من مخالفة الديان والهدي النبوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة في الحكم الجديرة بالإذاعة قوله صلى الله عليه وسلم جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا يدل على أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لامتثال متابعة أمر الله. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، أحدهما مخالفة من لا يعتمد طاعة أمره، مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره، كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم تحت الذلة والصغار، ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعلى اليهود الذلة والمسكنة، لأن كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر عناد. والثاني من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي، وهذا نوعان، أحدهما من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية فله نصيب من الذلة والصغار. كان الإمام أحمد يدعو اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. فأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل داعي الشهوات. والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله، وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه. وقد جعل الله من حرم ما أحله الله وحلل ما حرمه الله مفتريا عليه الكذب. فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب، ومن نسب إليه ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذب بأقداره فقد افترى على الله الكذب. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. وقال سفيان: الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم. ولهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي، لأن المبتدع مفتر على الله، مخالف لأمر رسوله لأجل هواه. انتهى المراد من كلامه. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On va juste traduire cette partie-là. Donc le cheikh, il explique parmi les explications qu'il a mentionnées ici sur le troisième objectif de la charia, c'est-à-dire d'établir l'ordre, l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il dit que cela, c'est parce que il y a dans le fait de faire des innovations et dans le fait de désobéir à Allah une contradiction d'Allah, une contradiction de la guidance prophétique avec laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il y a également dans ça, dans le fait de faire des innovations et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier dans l'innovation, il y a une façon de... C'est comme si quelqu'un, il fabrique ou il invente un mensonge contre Allah et contre son messager lorsqu'il fait ce genre d'innovation. Et l'imam Ibn Rajab, il mentionne dans un de ses livres qui s'intitule Al-Hikam Al-Jadira Bil-Ida'a. Al-Hikam Al-Jadira Bil-Ida'a. Il explique dans ce livre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'humiliation le rabaissement, le fait d'être petit, ça a été mis sur celui qui contredit son ordre et son commandement. Donc celui qui contredit l'ordre du messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'humilie et le fait être petit, il fait en sorte qu'il soit rabaissé. Et ça, c'est ce qui indique que la fierté, la puissance et l'élévation dans la dunya, c'est dans le fait de suivre l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et dans le fait de mettre en pratique et d'implémenter le suivi de l'ordre d'Allah. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 80 dans Sourate An-Nisa ce qui signifie « Et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 8 dans Sourate Al-Munafiqun « C'est à Allah qu'appartient la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. » Donc, l'humiliation et le rabaissement, c'est quelque chose qui advient de la désobéissance hein, et du fait de contredire l'ordre d'Allah et de son messager. Donc, le fait de contredire le messager, ça peut être de deux catégories. La première catégorie, c'est de celui qui contredit le messager parce qu'il ne croit pas à la base en l'obligation de lui obéir. Hein, il ne croit pas en l'obéissance à son ordre. Comme par exemple les kuffars, hein, les juifs, les chrétiens, et les autres kuffars qui ne croient pas en l'islam. Donc eux, ils contredisent, hein, ils contredisent le messager. Ils ne considèrent même pas que de lui obéir soit une obligation. Et c'est pour cette raison qu'ils sont sous l'humiliation et le rabaissement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, hein, la taxe de capitation, de leurs propres mains alors qu'ils sont rabaissés et humiliés. De même que les juifs, hein, Allah les a frappés par le rabaissement et l'humiliation parce qu'ils ont renié la foi en le messager. Hein, et leur mécréance est une mécréance hein, d'orgueil et d'arrogance et de rejet et d'obstination. Et la deuxième catégorie de ceux qui contredisent l'ordre du messager, c'est celui qui croit en son obéissance à la base, que c'est obligatoire de lui obéir et d'obéir à son commandement, mais qui par la suite contredisent son commandement en faisant des péchés. Et ceux-là sont de deux catégories. Hein? La première catégorie parmi ceux qui font des péchés, parmi les musulmans, c'est ceux qui contredisent donc l'ordre du messager par des désobéissances et des péchés, tout en croyant que ce sont des péchés. Alors ceux-là, ils ont une part de l'humiliation et du rabaissement. Hein? Comme l'imam Ahmad faisait l'invocation en disant « Oh Allah, donne-nous la puissance par ton obéissance hein, ou par le fait par le fait d'être sur l'obéissance et ne nous rabaisse pas ou ne nous humilie pas par le péché. » Et les gens de cette catégorie ont contredit donc le messager hein, sallallahu alayhi wa sallam à cause de la tentation. Hein, à cause des tentations et des passions et des désirs hein, dans les interdictions. Et la deuxième catégorie de ceux qui croient en l'obéissance ou croient que qu'on doit obéir aux messagers, mais qui sont dans la contradiction, c'est ceux qui contredisent l'ordre du messager à cause des shubuhat, c'est-à-dire à cause des faux-semblants d'arguments et des ambiguïtés qu'ils ont par rapport à la religion. Et ce sont les gens de la passion et les gens de bid'a. Hein? Ils ont tous donc une part du rabaissement et de l'humiliation selon leur contradiction de l'ordre d'Allah et de son messager. Et il mentionne comme exemple le verset 157 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ceux qui ont pris le veau, hein, le veau d'or, ils seront touchés par une colère de leur Seigneur et une humiliation dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons les gens qui inventent des mensonges contre Allah. Donc les gens de la passion, les gens de bid'a, ils sont tous des gens qui inventent un mensonge contre Allah. Parce que leur innovation, hein, leur bid'a, ça fait partie des mensonges qu'ils inventent contre l'islam, contre la religion d'Allah et contre son messager. Et leur bid'a, elle sera de plus en plus grave selon la quantité de mensonges ou de choses qu'ils inventent contre Allah et contre son messager. Donc plus ils inventent, plus leur bid'a est grave. Et Allah Azza wa Jal, il a fait de ceux qui rendent halal ce qui est haram, ou qui rendent haram ce qui est halal, des menteurs, hein, des gens qui inventent le mensonge contre Allah. Et donc celui qui dit à propos d'Allah, également celui qui dit à propos d'Allah ce qu'il ne connaît pas. Et le mubtadi', c'est ce qu'il fait. Il invente quelque chose et il prétend que Allah aime cette chose et il légifère dans la religion d'Allah des choses qu'il n'a pas légiférées. Et il dit dans la religion d'Allah des choses que Allah n'a pas dites. Donc ça, c'est quelqu'un qui invente un mensonge à propos d'Allah et qui dit à propos d'Allah des choses sans science, hein, et qui invente des mensonges dans la religion. Donc il n'y a pas de personne plus injuste, plus grave, hein, dans l'égarement que ce type de personne. Donc les innovateurs, même ceux qui, par exemple ceux qui font le maulid, ça rentre dans le même contexte que ça. Hein. Ils sont en train d'inventer un mensonge contre Allah et contre son messager et contre sa religion. Donc ça, c'est parmi les crimes les plus graves que quelqu'un peut commettre dans l'islam. Hein. Et c'est, ça s'apparente au shirk. Ça s'apparente au shirk. Parce que le shirk, à la base, il vient de ça. Il vient du fait de mentir à propos d'Allah et à propos de mentir contre sa religion et de dire à propos d'Allah des choses sans science. Hein? Ce qui amène les gens à tomber dans le kufr et dans le shirk. Donc, celui qui invente un mensonge contre Allah, hein? Eh bien, c'est-à-dire qu'il lui a attribué ce qu'on n'a pas le droit de lui attribuer, comme par exemple celui qui attribue à Allah une ressemblance ou qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui démentit la prédestination et ce que Allah a prédestiné, alors c'est clair qu'il a inventé également un mensonge contre Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 63 dans sourate An-Nur que ceux qui contredisent son ordre et son commandement, hein, que ceux qui contredisent son commandement prennent garde qu'ils ne soient frappés par une fitna ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. Et l'imam Sofyan al-Thawri, il explique que la fitna en question, hein, par laquelle ils risquent d'être frappés, hein, et qu'ils doivent craindre d'être frappés, c'est la fitna que Allah scelle leur cœur, que leur cœur devient scellé. Et donc, le cheikh, il dit, c'est pour cette raison que les châtiments contre l'innovateur ont été rendus si sévères dans l'islam. Hein? Plus sévères même que la punition de celui qui fait des péchés. Parce que l'innovateur invente un mensonge contre Allah. Hein? Et il contredit l'ordre de son messager à cause de sa passion. Donc ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite de cette partie au prochain cours, bi'idhnillah. Il y a beaucoup d'autres choses à clarifier, donc très importantes et très bénéfiques dans cette risala. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense donc notre cheikh Abdullah al-Bukhari d'avoir rassemblé toutes ces citations bénéfiques pour nous aider à mieux comprendre justement la religion et les principes de l'islam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.